Chapitre 15e, Monsieur Jiffin. Affairé John, revenu de son évanouissement, dut sortir de chez Mademoiselle Carlyle comme elle y était entrée. C'était une souple nature, et soit choc, surprise ou chaleur, une cause ou l'autre, dès que cela disparut, Affy se retrouva de nouveau elle-même. Elle marchait avec affectation à petits pas dans toute sa vanité, retournant chez Madame Latimer, faisant Florès d'une main avec son mouchoir garni de dentelles, et de l'autre, soulevant agréablement ses volants pour la plus grande gloire de son jupon ouvré et de ses bottines d'agneau, bottines à talons hauts d'une toise. Laissons un moment Affy suivre la mode à sa guise, bien qu'elle ne fût pas précisément celle du moment. Non loin de la résidence de Mademoiselle Carlyle était une boutique de fromage, jambon, beurre et lard, boutique respectable, tenue par un non moins respectable propriétaire. Un jeune homme de bonne apparence avait, sur annonce, acheté la clientèle et était venu de Londres prendre possession. Son prédécesseur avait amassé suffisamment pour se retirer, et on prédisait que M. Jiffin en ferait autant. Dire que Mademoiselle Carlyle se fournissait à la boutique, c'était vanter la qualité de ses produits. Lorsque Affy arriva en face de la boutique, M. Jiffin, en personne, prenait un air de soleil à la porte. À l'intérieur, son commis était fort occupé au contenu d'un tonneau de beurre. Affy s'arrêta. M. Jiffin l'admirait d'une façon peu ordinaire, et elle, toujours prête pour ces sortes d'aventures, avait déjà fait avec lui quelques passes de coquetterie. « Bonjour, Mademoiselle Hallijohn, » s'écria-t-il avec chaleur, relevant son tablier blanc et l'enroulant autour de sa ceinture aussi bien qu'il put, en même temps qu'il tendait la main, car une fois déjà, Affy n'avait pas dissimulé son peu de considération pour le tablier. « Oh, comment allez-vous, Jiffin ? » dit-elle avec une certaine hauteur, faisant semblant de ne pas s'être aperçu qu'il se tenait à cette place. Et daignant abandonner le bout de ses gants dans la main qu'on lui offrait, elle minauda avec son mouchoir, son voile et les boucles de ses cheveux. « Je croyais que vous auriez fermé votre boutique aujourd'hui, Monsieur Jiffin, et pris un jour de congé. »« On se doit aux affaires, » répondit Monsieur Jiffin, abîmé dans la contemplation des charmes sans nombre d'Affy, plus en évidence encore que d'ordinaire. « Si j'avais su que vous fussiez dehors, Mademoiselle Hallijohn, en congé, peut-être en eussé je fait autant dans l'espoir de vous rencontrer ici ou là. » Ces paroles étaient d'aussi bon aloi que son admiration. Affy comprit qu'elle pouvait se risquer à le traiter un peu de haut en bas. « Il est simple comme une oie, » pensait-elle. « Mon grand plaisir en ce monde, » continua M. Jiffin, « est de vous apercevoir par la fenêtre de la boutique. Pour moi, c'est comme si le soleil lui-même passait. « Mon Dieu !» dit Affy en relevant la tête avec un sourire plein d'afféterie. « Quel bien cela peut-il vous faire? Vous auriez pu me voir dans une heure ou deux, si vous aviez eu des yeux. J'allais chez Mademoiselle Carlyle, » ajouta-t-elle de l'air d'une personne qui parlerait d'une visite du matin à une duchesse. « Où pouvaient être mes yeux ?» s'écria M. Jiffin dans l'amertume de ses regrets. « Dans l'un de ces précieux barils de beurre, je parierais. » « Que signifient toutes ces clameurs ?» dit Affy, faisant allusion à un bruit considérable qui s'entendait à distance et qui avait continué pendant quelque temps. « Ce sont les votants qui acclament M. Carlyle. Je suppose que vous connaissez son élection, Mademoiselle Hallijohn. Non, je ne la connaissais pas. L'autre a été abandonné par ses amis. Aussi s'en est-on préoccupé, et M. Carlyle est notre élu. Dieu le bénisse, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Mais à propos, Mademoiselle Hallijohn, de quoi donc l'autre s'est-il rendu coupable ?» « D'un meurtre, dit-on. Je n'en serais tiré ni queue ni tête. Après tout, on n'ignore pas qu'auparavant c'était un assez mauvais drôle. « Ne m'en parlez pas, » dit Affy. « Un meurtre n'est pas un agréable sujet de conversation pour une dame. » Et imprimant un léger mouvement à ses volants et une ondulation à son mouchoir, Affy mit gracieusement à la voile. M. Jiffin, quand il put détourner ses yeux fascinés de la jeune fille, rentra dans la boutique. « Ce ne serait pas après tout une si mauvaise capture. » se dit à elle-même Affy, tandis qu'elle et sa crinoline se dandinaient de compagnie. « Certes, je ne fourrerai jamais mon nez dans la boutique, si ce n'est pour mes commandes, comme toute autre pratique. » « L'arrière-boutique est confortable et j'aurai soin qu'elle soit bien meublée, si elle ne l'est pas déjà. Je lui ferai acheter un piano pour le salon, cela est bon genre. J'aurai deux bonnes, une cuisinière et une femme de chambre. Je ne me marierai pas si ça devait être pour être servi par un de ces souillons de bonne à tout faire. » Jiffin est si bonasse qu'il en passera par tout cela. Je verrai. Oui, à tout prendre, décidément, ce ne serait pas déjà une si mauvaise capture. Le pire, c'est le nom. Jiffin. Joey Jiffin. Comment pourrais-je jamais me laisser appeler Madame Joey Jiffin? Non. Mais, bon Dieu, que voulez-vous? C'était M. Ebenezer James, qui venait d'interrompre les châteaux en Espagne d'Affy. Ce monsieur, qui avait pressé le pas pour la rattraper, avait tiraillé quelque peu ses volants par derrière pour l'avertir de sa présence. « Comment allez-vous, Affy ?»« Je n'ai pas besoin de vos impertinences, Ebenezer James, qui me donnait de l'Affy tout court. L'autre jour, je vous ai déjà engagé à vous tenir à votre place. Vous avez dit à M. Giffin que j'ai été une de vos anciennes bonnes amies. « Et certes, vous avez été ma bonne amie, » fit en riant à M. Ebenezer. « Jamais !» éclata Affy. « Vous avez été un comédien de campagne. » « Et qu'avez-vous été vous-même ?» répliqua M. Ebenezer avec une accentuation calme et significative courant au travers de ses rires de bonne humeur. Les joues d'Affy tournèrent à l'écarlate et elle leva la main par un geste rapide et menaçant. S'il n'avait été dans une rue, M. Ebenezer aurait pu sentir qu'on lui frottait les oreilles. Affy laissa tomber sa main et resta immobile. « Si vous croyez que les vies et les fausses insinuations que vous trimerez contre moi pourront me faire du tort, vous vous méprenez. » Ebenezer James. Pourquoi, Affy, vous emporter ? Je n'ai pas besoin de vous faire du tort. Pourrais-je y réussir si j'essayais, comme vous dites ? Ajouta-t-il, en riant de nouveau silencieusement. J'étais moi-même plongé dans trop d'embarras pour permettre à ma langue d'y mettre les autres. Bon, cela suffit. Veuillez me fausser compagnie. Il n'est pas des plus avantageux de vous avoir à ses côtés en public. Bien, je vous débarrasserai de ma compagnie si vous me laissez vous faire ma commission. Quant à ce que ma présence peut avoir ou non d'avantageux, c'est bon, je ne vous mettrai pas longtemps hors des gonds. On vous réclame au tribunal à 3 heures de l'après-midi, et n'y manquez pas, s'il vous plaît. On me réclame au tribunal, moi, et pourquoi ? Et n'y manquez pas, ai-je dit, répéta M. Ebenezer. Vous avez vu Levison arrêter, votre ancienne passion. Affy frappa du pied, interrompant avec indignation. Prenez garde à ce que vous dites, Ebenezer James. « Ne faites pas la sotte, Affy. Cela ne sert à rien de monter sur ces grands chevaux avec moi. Vous savez où je vous ai vu et où je l'ai vu. » Un changement complet s'opéra en mademoiselle Affy. Elle descendait de ses grands chevaux, comme avait dit M. Ebenezer. Elle descendit même jusqu'à prendre un air de crainte et d'humilité, pour ne pas dire de terreur. « Je ne sais rien du meurtre, » murmura-t-elle en s'efforçant de faire bonne contenance de la voix et du geste. « Je ne sais rien et je n'irai pas. Il le faut, Affy. » répondit-il en lui mettant un papier dans la main. « Voici votre citation. »« Je ne rendrai jamais témoignage contre Levison, » murmura-t-elle tout en déchirant la citation en 1000 morceaux. « Je jure que je n'irai pas. » Affy s'éloigna à toute vapeur. « Ne manquez pas, Affy !» cria de nouveau M. Ebenezer en la suivant des yeux. « Ne pas manquer, » répondit-elle les yeux étincelants. « Ils ne me prendront pas à leur tribunal, ni par force, ni par ruse. » Ebenezer James resta immobile et la regarda s'éloigner. « Elle décampera comme elle le dit, à moins qu'on ne l'arrête, » pensa Ebenezer. « Voici Ball qui vient justement. Je vais lui en parler. » Affy marchait toujours et gagna la maison de Madame Latimer. Cette dame, souffrant d'une indisposition, était retenue chez elle. « Oh, madame, » fit-elle en arrivant auprès d'elle, « quelle triste nouvelle je viens de recevoir. Un de mes parents est à la mort et réclame ma présence. Il faut que je parte par le premier train. »« Bon Dieu !» s'écria Madame Latimer, dans les premiers moments de sa surprise. « Mais comment ferais-je sans vous, Affy ?»« C'est une prière de mourant, » madame, plaida Affy, couvrant ses yeux de son mouchoir, comme si elle était abîmée de douleur. « Certes, je ne l'aurais pas demandé, en toute autre circonstance, souffrante comme vous êtes. « Où allez-vous ? » demanda Madame Latimer. « Combien de temps resterez-vous ? » Affy mentionna le nom de la première ville qui lui vint à l'esprit et dit qu'elle espérait être de retour le lendemain. « Quels parents est-ce ? » continua Madame Latimer. « Je croyais que vous n'aviez pas de parents, excepté Joyce et votre tante, Madame Kane. »« C'est une autre tante, » s'écria Affy à voix basse. « Je n'ai jamais parlé d'elle. Nous étions en mauvais termes. Aussi cela me rend-il plus désireuse d'obtempérer à sa prière. » Affy avait de la présence d'esprit et ne se laissait pas prendre dépourvu. Madame Latimer consentit à sa demande. Affy monta rapidement l'escalier, s'habilla une fois de plus, mit un ou deux objets dans un petit sac de cuir, garnit sa bourse de quelque argent, et quitta la maison. Un policeman, flânant paresseusement sur le pavé de la rue, vint à la rencontre d'Affy qu'il connaissait un peu. « Bonjour, mademoiselle Hallijohn. Une belle journée, n'est-ce pas ?»« Assez belle, » répondit Affy, ennuyée qu'on l'arrêta. « Je ne peux pas vous parler maintenant, car je suis pressé. » Plus elle marchait vite, et plus vite il marchait, se tenant à ses côtés. Affy ne marchait plus, elle courait. Il ne marchait plus, il courait aussi. « Qu'est-ce qui vous presse donc si fort ? » demanda-t-il. « Oh, rien qui vous concerne. Nous bavarderons ensemble une autre fois. » on croirait presque que vous vous dépêchez pour gagner le train. Et on aurait raison. S'il faut satisfaire votre curiosité, je pars pour un petit voyage d'agrément. Pour longtemps ? Je serai de retour demain, peut-être. Est-ce vrai que M. Carlyle est nommé ? Oui, ne prenez pas ce chemin, s'il vous plaît. Pas ce chemin, mais c'est le plus court pour aller à la station. Il abrège de tout ce coin. L'officier de police mit doucement la main sur elle. Que signifie cette plaisanterie ? Je vous dis que je n'ai pas le temps de jouer. Ôtez donc votre main, ajouta-t-elle d'un ton courroucé, car la main s'appesantissait davantage sur elle. Je suis fâché de contrarier une dame, vous surtout, mademoiselle. Mais je ne puis prendre congé, je ne puis me séparer de vous. Mes instructions me commandent de vous conduire d'abord à la chambre des témoins. On réclame votre témoignage. Si vous avez jamais vu un fantôme plus pâle que sont les fantômes d'ordinaire, vous pouvez vous figurer la mine de la fille John à ce moment. Elle ne se trouva pas mal, comme elle l'avait fait une fois déjà, le matin du même jour, mais on eût dit qu'elle allait mourir. Elle laissa échapper un cri perçant, à l'instant comprimé, car elle avait conservé quelques présents d'esprit, et elle se souvenait qu'elle était sur la voie publique. « Je n'ai pas de témoignage à apporter, » dit-elle d'un ton plus calme. « Je ne sais rien de ce qui s'est passé. »« Je n'en sais rien non plus, » répliqua l'homme. « J'ignore même pourquoi on vous appelle. » Quand on nous donne des instructions, mademoiselle, nous ne pouvons pas demander quel est leur but. On m'a ordonné de veiller à ce que vous ne sortiez pas de la ville et à vous conduire à la chambre des témoins. Et j'ai fait de mon mieux pour m'acquitter de mon mandat aussi poliment que possible. Vous n'imaginez pas sans doute que je vais traverser tout Westline avec votre main sur moi. Je la retirerai, mademoiselle Hallijohn, si vous me promettez de ne pas vous échapper. J'irai tranquillement. Et la fille a ôté votre main. Elle tint parole. La fille n'était pas niaise et comprenait qu'elle n'était pas de force à lutter avec cet homme. Elle était tombée aux mains des Philistins, elle n'y pouvait rien et devait chercher à s'en tirer le mieux possible. On logea la fille dans la chambre des témoins, petite chambre avec une fenêtre à tabatière. Elle passa son temps assez agréablement, méditant sur toutes choses. D'une part, fabriquant un compte pour Madame Latimer, d'autre part, délibérant sur ce qu'elle devait dire devant les juges pour ne pas se compromettre. La fille était aussi innocente que vous ou moi, et elle croyait fermement à l'innocence de Levison autant qu'à la culpabilité de Richard Hare. Mais la fille sentait bien que ses faits et gestes, à ce moment de sa vie, ne brilleraient pas beaucoup à la grande lumière du jour ou dans les bavardages de Westline.